Regard transparent, unique, anémique, qu'on vit comme on peut. Mais comme on peut donner ce qu'on veut. Même en étant personne, nos cœurs sont marques des creux. Anonyme, on le reste tel des lépreux. Regard transparent, unique, anémique, qu'on vit comme on peut. Mais comme on peut donner ce qu'on veut. Même en étant personne, nos cœurs sont marques des creux. Anonyme, on le reste tel des lépreux. Le jour dort encore, mais lui il se lève. Y'a que les tours et les chats dehors, mais lui il se lève. A chaque fois le même effort, jamais de trêve. A chaque fois le même décor, lentement il en crève. Enchaîné à sa chaîne de vie, chaque mort sur l'affaibli. Dans un puits de soucis, il croupit près des portes de l'ennui. Sans bruit, il suit le film jusqu'au happy end de l'asile. Au fleuve des ombres abouties, vomit ses âmes englouties. Le cœur souvent dans les tuiles, maintient sa chair à l'abri. Le front rempli de plis, et ce putain de crédit qui se languit. La tête pleine de jours comme de nuit, peu de place pour le répit. Il faudrait pas que ça route des vies et se pomme dans le brandy. Héroïque à chaque acte, une flamme d'espoir il brandit. À la face des costumes où se glissent les bandits. J'ai lui le mépris, ça détruit pas, ça regaillardit. Et de toute façon, y'a la queue devant les portes de l'oubli. Juste un fantôme de plus parcourant le parvis. Doté de la force des siens, guerrier de la survie. Un visage dans la foule flou, mal défini. Un visage dans la houle comme tous un fétiche. Regard transparent, unique, anémique, on parle pas de mythe. Média anodin qui se bat pour un but. Le genre d'humain qui marche avec des valeurs. Ceux qui font tout pour éviter le malheur. Regard transparent, unique, anémique, on parle pas de mythe. Média anodin qui se bat pour un but. Le genre d'humain qui marche avec des valeurs. Ceux qui font tout pour éviter le malheur. La vie c'est une femme, une mère, pas un numéro de sécu. Dont le regard porte le poids du vécu. Séparée de son mari, reclus. Histoire d'une amourette de discothèque qui doucement bascule dans la tragédie. Le drame et les malentendus, vicieuse maladie. Calque sa vie sur ce que l'assistante sociale a dit. Lointain paradis, de mille et ses parasites. Son père était flic, tombé sous les balles des séparatistes. Était à Biarritz, le sort varie. Maintenant elle vit à Ris, triste tour grise dans la banlieue de Paris. Visage anonyme, engestelé, les gosses partent en couille, trop fatigués pour gueuler. Dans le bas des tours, ils embrassent la nuit. Ivre, crient fort, conscient que leur mère vit une petite mort. Sarcophage hanté, un dans un HLM. Et trois bocals, au pied dans le local, ils fument du H, c'est qu'on se cache et l'aime. Le jour se lève, ils partent se coucher. Leur mère pour travailler est allée se doucher. Dehors l'orage, dehors la rage et les canines de la vie qui mâchent. Ce n'est qu'une image, mais dis-moi qui a du courage et qui est lâche. Au milieu du boulevard, que savent-ils abattu. Une femme porte plus gloire que leur putain de statue réunie, ça bouleverse. Quand on y pense, des fois vaut mieux regretter ce qu'on rate que ce qu'on dépense. Regard transparent, unique, anémique, on parle pas de mythe. Média anodin qui se bat pour un but. Le genre d'humain qui marche avec des valeurs. Ceux qui font tout pour éviter le malheur. Regard transparent, unique, anémique, on parle pas de mythe. Média anodin qui se bat pour un but. Le genre d'humain qui marche avec des valeurs. Ceux qui font tout pour éviter le malheur.